sur les questions techniques, avant de reprendre, de reprendre un tour de parole sur ces questions-là, peut-être qu'on pourrait regarder l'extrait très court de 2 minutes où Paul Roussopoulos commence à expliquer ces enjeux techniques et cette fameuse pratique du montage par chronomètre, avant que tu nous la réexpliques davantage, parce qu'il faut un petit temps supplémentaire pour bien la saisir. De 1 demi-pouce de large, c'est-à-dire que ça, c'est là. Surtout, c'était des bobines. Oui, c'est ça. C'était le même principe. Oui, oui. Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes dans la vidéo légère, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de montage. Au début, on a cru que les machines étaient en panne. On nous avait dit dans les prospectus qu'on pouvait monter, donc on a essayé de monter. En fait, il y avait des coupures très très fortes, des équilibres très forts dans l'image, dans les raccords. Et je me rappelle, on était allé avec Carole Cessoni, leur demander de réparer nos machines parce qu'elles ne marchaient pas très bien. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, les prospectus mentaient assez largement et que le montage était pratiquement impossible, surtout sur des plans très courts. Et ensuite, il y a peut-être un deuxième élément, c'est que, à l'époque, évidemment, il n'y avait pas les systèmes automatiques du montage comme maintenant avec les reculs des machines. Et je me rappelle, avec Carole, on était allé une fois dans une petite institution que Serrault, je crois que c'était Serrault, Jean-Marie Serrault avait, qui était un des premiers aussi qui avait fait de la vidéo, qui utilisait donc des magnétoscopes de 1000 pouces. Et je me rappelle, j'avais vu les gens monter en régulant par rapport au compteur, qui en fait est lié au nombre de tours de la machine et non pas au débit réel de la bande. C'est ce qui fait qu'au début, ils avaient des raccords précis, mais à la fin, ils avaient des raccords totalement imprécis, puisque la bande était toute petite à la fin, donc elle a défilé avec beaucoup plus de rapidité en tours. Et c'est là que mon côté physicien, évidemment, a apparu, c'est qu'à ce moment-là, qu'on a introduit, au moins dans la vidéo à l'époque, le système du montage par chronomètre, qui nous a donné tout de suite quand même une précision dans le montage, mais qui était assez long et fastidieux. Et c'était une époque héroïque où en plus on n'avait pas d'argent et que donc il fallait pallier ces manques d'argent par une compétence technique et dans un style un peu bricolage. C'est-à-dire que quand nos machines tombaient en panne, eh bien il fallait trouver des moyens sur place très rapides pour pouvoir réparer. Souvent on avait des machines qui étaient déréglées, qui n'étaient pas compatibles et on déréglait une machine réglée pour retrouver la compatibilité avec une autre machine déréglée, souvent même. On mettait en panne une machine pour pouvoir lire une bande qui avait été enregistrée avec une panne. Parce que ça, la vidéo, c'est paradoxal, on pouvait même faire cela. C'est-à-dire qu'on déréglait totalement le chemin pour retrouver le chemin d'un portable qui avait été endommagé par un choc. C'était une époque assez héroïque, il faut dire. Pénible, quand on était pas comme ça. Vous étiez la terre de 5 ans, non?